Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Michael Biesch. Jingle, excuse-moi. Mais... comme tu peux le voir, c'est un podcast avec des moyens. Oui, des moyens je vois techniques. Ça, là, on est dans un studio, c'est pas... il y a des gens qui s'évanouissent, c'est parfait. Exactement. Mais Sofiane vous dira sa galère plus tard. Ben oui, en effet, je viens de jouer mon spectacle et il y a une spectatrice qui a fait un petit malaise vagal. Dieu merci, elle va bien et on l'embrasse. Parce que tu nous as monté en fait. On a tellement ri qu'elle était au paradis. Elle était super et on l'embrasse. Coucou Salima. Bon. C'est vrai. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Moi j'en ai trois, je vais les faire courtes. Donc, la première galère, oui c'est ça, c'était à mes tout débuts. En fait, on avait un duo avec Maxime Hubo et on commence à faire des sketchs, mais pour des mariages, tu vois vraiment. Donc on est trop contents, un beau château, on va dans le Touvet, ça s'appelle, c'est en Isère. Et on a notre matos avec nous, on arrive super sale, on voit déjà des gens déguisés en mode Versailles. On dit tiens, on a une petite enveloppe, mais ils ont du budget quand même. Je dis bon, bah écoute, viens, on s'installe, on demande la salle. Je dis bah l'orangerie, c'est au fond là-bas, installez-vous. On voit le DJ, on dit DJ, on s'installe où? Il me dit mais pourquoi? Je dis bah on doit faire un spectacle et tout, c'est une surprise. Ah bah j'étais pas au courant, bah écoutez, installez-vous là, on installe une scène. Et puis à un moment, mon pote, il va dans la salle de réception, il dit « c'est luxueux, hein, je pense que le mec qu'on avait vu pour le rendez-vous pour faire le spectacle, je pensais pas qu'il avait autant de pognon, tu vois ». Je dis « ouais, c'est bizarre et tout, le DJ n'est pas au courant de la surprise, je vois des mecs qui sont habillés en mode Versailles, c'est du luxe de partout ». Et on regarde les étiquettes, puis on voit les prénoms, on dit « ah non, effectivement, il doit y avoir un problème, on ne connaissait personne ». Et on regarde les noms les prénoms des mariés, et ça devait être, je sais pas quoi, Jonathan et Virginie, alors que c'était pas du tout ça quoi. Oh là là, et vous êtes trompé de mariage. Là, voilà, exactement, on s'est trompé de mariage. La châtelaine qui arrive, je dis « mais vous êtes qui vous ?» Bah, on est les humoristes, enfin non, mais il n'y a pas de saltimbanque là, il n'y a pas prévu de spectacle. Vous avez dérangé madame la comtesse quoi. Voilà, on a dérangé tout le monde, on n'était pas les bienvenus, on a pris deux sachets de dragée, on s'est barré. Ça c'est la première anecdote. Finalement on est arrivé au mariage, c'était trop tard donc on a picolé avec les gens. Bon. Mais ils nous avaient payé avant, toujours se faire payer avant. Ah toujours. Oui, ah oui. Quand les mecs sont bons, c'est bonne génial. Bonne astuce. Bravo Guillermo Guise. Des fois je me fais passer pour Guillermo. voilà, donc celle-là. Après, il y en a une autre, c'est en fin de spectacle. Donc, je fais un sketch et à un moment, c'est interactif, tu vois. Donc, je vais vers un gars dans le public et puis il ne veut pas participer. Il me dit non. Je dis bon, ok, c'est pas grave. Il me dit on se verra à la fin. Je dis waouh, tu vois. Et le spectacle se termine et il vient me voir. Et en fait, je faisais une vanne sur les Corses, tu vois, mais je flattais le Corse, tu vois. Oui. Et il me dit. C'est pas bien ce que tu as dit sur les Corses. Hein. Je dis, ah bon? Je dis, mais vous avez pas dû comprendre. Je dis, je m'en fous de pas comprendre. On parle pas des Corses. Je dis, donc sur scène, je peux pas dire le mot tout. Corse. Ni dis, positivement, non. Ni négativement. Voilà, c'était ça. Et à un moment, tu sais, j'ai ma famille qui est de Corse et je dis, mais vous savez, moi, je suis de Sartène. Elle dit, tu es de Sartène, toi. Mais c'est pas grave, ce spectacle, il n'était pas bien. Je dis, très bien, mais vous savez, moi, ma famille, ils ont la boulangerie qui est sur la place, là. Je dis, c'est pas vrai. Mais c'est Paul qui tient la boulangerie. Je dis oui, c'est ça. C'est quoi ton nom? Donc je donne le nom de ma femme, tu vois. Parce qu'en fait, c'est plus sa famille à elle qui est forcément, corse. Oui. Il dit non, c'est vrai. Paganelli, c'est ta famille. Mais tu sais qu'il était bien ton spectacle. Punaise. Enfin, la folie, quoi. Le mec retourne dans la situation. Punaise. Voilà. Et c'est après... ce qu'on appelle un succès par alliance, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Faut c'est toujours génial. Avoir une femme. C'est génial, c'est génial. Pour s'en sortir. Ah, super. Écoute, voilà, ça en fait déjà deux belles. Mais ouais, j'en avais une troisième. Je fais un sketch donc, dans mon nouveau spectacle où le témoin, il arrive à la fin et voilà, il balance tout mais sur mes problèmes d'hémorroïdes, si tu veux. Tu vois, devant la famille. D'accord. Et le mec, il balance tout, il dit, c'est ça, non, mais il faut tout dire, toi. Donc, je fais un sketch, mais subtil, tu vois, en expliquant, bah, c'est une douleur et que personne n'en parle. Les gens, ils ont honte de ça. Et à la fin, il y a un mec, et voilà, il n'a rien compris, tu vois. Et il m'explique que son cousin a une crise hémorroïdaire et qu'il avait honte parce qu'il avait foutu du sang partout à un mariage, justement. Et donc, tu sentais le malaise, le mec qui avait tout de suite bloqué hémorroïde, hop, le cerveau dit « Ah non, je ne vais pas entendre parler. » Ah oui, voilà. Tu vois. Oh. Alors que justement, je parle de cette douleur, de cette maladie. Et... D'accord. Et il a quand même dit, à la fin, il a dit « T'as de la chance que là où on joue, il n'y ait pas de cendrier. » Sinon, je te l'ai renvoyé dans la gueule. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah c'est d'accord. Ça, à force de jouer dans des bars. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il ne faut pas parler des Corses et il ne faut pas parler des hémorroïdes. Ah, c'est un combo. C'est les deux sujets. Voilà. Et surtout, ne parlez pas d'un Corse qui a des hémorroïdes. Surtout, ne parlez pas de ça. Sauf si vous êtes de la famille Paganelli, c'est ça? Paganelli. Si vous êtes de Sartène, la boulangerie à Paul, c'est bon. C'est bon, ça passe. Bon. Ok. Oh là là, c'est génial. Eh ben dis donc. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mickaël ? Écoute, tout le mois de juin au Rikiki Théâtre à Lyon et tout le mois de juillet, pareil, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, au Complexe du Rire. Ok, voilà. Parfait. Bah écoute, à Lyon aussi, bien sûr. Ok, à Lyon. Sur les réseaux sociaux, donc Mickaël Biesch. Ouais, alors Mickaël Biesch, B-E-C-H-E. Voilà, le site internet, le Facebook. Et puis on a aussi le festival où on t'a sélectionné, le Villard Comedy Show. Avec grand plaisir, je suis impatient d'y être. Le 1 et le 2 août, qui est parrainé par notre ami, s'il nous écoute, Guillermo Guise. Qu'on embrasse, qui a fait un épisode avec moi. Voilà, voilà, qu'on embrasse fort. Ah, qui nous a fait un super épisode, c'était très très cool. En fait, on vient de le réécouter et il faut que vous le réécoutiez vous-même. Parce que c'est... Ouais, c'est l'épisode 28, je vous le conseille, c'est vraiment génial. Et on embrasse Guillermo Guise, PE et Funky Fab qui nous ont raconté. Donc Guillermo Guise nous a raconté une anecdote qu'ils ont vécue à Troyes sur leur première scène parisienne. À rue de Bagnolet. Vraiment, ça vaut le détour. Dans ma tête, je suis en train de me dire, vous aurez le lien sur la vidéo, mais non, en fait, c'est un podcast. Voilà. Bon, pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Bis à tous, même à toi là-bas.